إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc on a fini le chapitre qui parle de à propos de tawhid al ibada et là aujourd'hui inshallah on va commencer à parler de tawhid al asma wa sifat inshallah c'est la troisième catégorie de tawhid mais avant de commencer inshallah on va parler au sujet d'une lettre qu'on a reçue d'un frère qui nous a envoyé cet avertissement au sujet d'un personnage qui est assez connu ici à Montréal puis en Europe qui est connu sous le nom de Tariq Ramadan. Il est connu plus pour les francophones parce que tous ses cours, ses conférences sont en français. Voilà, donc il se concentre pas vraiment pour. Souvent il est invité à aller par les gens de l'université. Surtout pas, parce que c'est un moderniste, c'est un. Il enseigne la philosophie à l'université en Europe. Il enseignait, parce qu'il a maintenant, je pense, une enseigne deux. Il avait, il n'y a pas longtemps, eu un poste dans une université aux États-Unis. Donc, il a démissionné de son poste en Europe. Et quand il est arrivé pour voyager, pour venir ici, on a enlevé son visa. On lui a enlevé son visa, alors il ne pouvait plus aller en Amérique. Donc, là, à ce moment, je crois qu'il ne travaille plus dans cette université, mais c'était un gars qui enseignait la philosophie. Il est très connu là-bas, en Europe, mais ici. C'est le petit-fils de Hassan al-Banna, un de ses descendants. Donc, il a cette tendance, ils sont proches des Ikhwan muslimin, en tout cas. On va lire ce qui est écrit, ce qui a été envoyé, puis on va essayer d'expliquer un petit peu, puis on va passer là-dessus, puis après on va commencer le dar. Le frère, il a envoyé une lettre, c'est une lettre qui a été écrite et envoyée à un savant, c'est un des ulama en Arabie Saoudite. Wa alaykoum salam, c'est le frère Issa qui nous a envoyé ça. C'est Cheikh Abdel Aziz Ibn Abdullah Al-Rajihi. C'est un des cheveux qui enseigne à l'université islamique. Il était, je pense, même à un moment donné, directeur de la section de l'Aqidah dans la faculté de Usuluddin, Da'wa wa Usuluddin, Medina Munawwara. Oui, Cheikh Al-Rajihi. Et j'ai assisté souvent à des groupes de lui. Masha'Allah, Alhamdulillah, le chef, il est connu là-bas. Et donc, ça vient d'un frère s'appelle Abu al-Hassan Abdullah al-Belgique, il est un frère de la Belgique. Il dit, il a envoyé la question au chef, il a l'intention de l'honorable savant, فضيله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته je vous avais demandé un avis juridique يعني فتوى sur un prêcheur en Belgique ou plutôt en Europe qui appelle les gens à la laïcité et à l'interruption de l'application des peines islamiques qu'il qualifie de monstrueux etc. Cet homme qui se nomme Tariq Ramadan est très écouté et suivi et loué auprès des jeunes particulièrement particulièrement, et ce que l'on peut observer, c'est que ces jeunes n'ont pas réellement de connaissance des fondements de la religion et ne connaissent pas le vrai sens du monothéisme, le tawhid, et ne connaissent pas les savants de notre époque, voire même les savants anciens. Ça, c'est un fait que le frère il a dit dans sa question, parce que la plupart des gens qui le suivent, ce sont des jeunes. Et lui, en fait, il s'adresse aux jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes, étant donné qu'ils ont moins de connaissances, ils sont plus naïfs, et c'est plus facile de les influencer. Et eux, ils considèrent ils se concentrent surtout sur les jeunes, et ils profitent de ça, justement, de leur naïveté et de leur ignorance. Et c'est vrai qu'ils ne connaissent pas le tawhid. Ils ont été éduqués sur une forme d'islam qui est basée sur écouter des anachives et des khutbahs émotifs qui parlent de politique et toutes sortes de choses de ce genre sans jamais avoir de suivi les durus avec les ulama et étudier les sciences islamiques et surtout al-aqida. Surtout quand ils concentrent leurs efforts sur une forme de sentimental, d'attachement à l'islam basé sur un attachement sentimental, mais non fondé sur une connaissance réelle. Ensuite, le frère dit pour cette raison, cher Cheikh, nous avons besoin d'explications dans certains sujets et de réfutations détaillées sur les paroles de ce fourbe et l'énonciation des preuves islamiques afin que quiconque lira cette réfutation soit inexcusable avec l'aide d'Allah. Avec l'aide d'Allah. Ça c'est traduit de l'arabe en fait. Bon, il y a quelqu'un qui est rusé là. Quelqu'un qui est musulman. Ouais, comme Sa'lab. Il est rusé là. Premièrement, on l'interrogea, ça avec Ramadan, au sujet de l'apostasie et de la peine de l'apostat. Et il répondit que l'apostasie, al-ridda, c'est une chose permise en islam. Et légiféré. Il essaie de dire que c'est permis de quitter l'islam. Il y a pas de djawaz, il y a des fidèles. Ou djawaz d'Arlita, c'est permis. Et qu'on ne blâme pas l'apostat. C'est-à-dire, selon lui, c'est permis de. C'est-à-dire, selon Tariq Ramadan, une personne qui veut quitter l'islam, on ne doit pas le blâmer. Mais on lui demandera de respecter les musulmans. Il dit aussi que la peine de mort sur l'apostat est une erreur, car le seul juge c'est Allah, et personne ne connaît les cœurs si ce n'est lui. Hein? Et il prétend que certains savants du 8e siècle l'ont précédé dans cette opinion. Subhanallah, comment il joue avec la religion de l'islam? Alors que ça c'est un jugement qui vient d'Allah et de son prophète. Deuxièmement, il condamne l'Arabie Saoudite car il empêche la construction d'églises et l'adoration du fils de Maryam aux chrétiens. Subhanallah. C'est comme s'il essaie d'imposer aux musulmans le fait de vouloir construire des églises dans les pays musulmans. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il critique l'islam en se basant sur les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il regarde ce que les droits de l'homme prêchent, c'est-à-dire la liberté de croyance et la liberté de religion, et tout ce qui est contraire aux droits de l'homme. Dans la Charte des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, il le prend comme un fondement pour critiquer ce qui est appliqué dans l'islam ou dans les pays musulmans. Et ça, c'est quelque chose de très grave. C'est comme s'il met une loi au-dessus de la loi d'Allah. Il se base aussi pour critiquer l'islam. on va voir ce que le chef il dit. Troisièmement, il dit que les peines islamiques corporelles, telles que la lapidation de l'adultère, la mutilation de la main, sont inapplicables à notre époque, et que lorsqu'on les appliquait au temps du messager d'Allah, qu'Allah puisse sur lui et le salue, il nous faut examiner cette époque-là, et notre époque. Et ce qu'on observe alors, c'est que les choses ont changé, et qu'il est impératif d'arrêter l'application de ces peines, comme l'a fait Omar ibn al-Khattab sur le voleur pendant la famine. Ils prennent un cas qui est arrivé au temps de Omar, par exemple, durant la famine, et ils essaient de dire, bon, si Omar il l'a interdit durant une famine, donc nous, on doit arrêter de l'appliquer. Mais, subhanallah, est-ce qu'on est dans une famine pour qu'on puisse l'appliquer aujourd'hui, hein? Ou pour qu'on puisse cesser de l'appliquer? Il faut regarder le cas. Omar ibn al-Khattab n'a pas dit il faut arrêter complètement de l'appliquer, sauf qu'il a vu la circonstance, il a jugé selon la situation, mais ça ne veut pas dire qu'après il n'a pas continué de l'appliquer. Couper la main. Ouais, un cas de guna. Non. Ok. Si tu divises par 2 dollars et 100, environ. Parce que, par 1 dollar, c'est comme environ 2 riyals et demi. Mais ça a peut-être changé maintenant, mais moi quand j'étais là-bas, c'était de 2 riyals et 2 riyals et 100. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Il faut que ce soit autour de cette valeur. Donc ça, il y a une valeur qui est déterminée par la charia, comme le frère a dit, un quart de dinar, puis pour savoir en quoi ça correspond en dollars canadiens, bon, pour faire Ça, c'est pas la même chose, là. Eux, ils prennent une chose, ils l'appliquent en dehors de son contexte. Et ça, c'est un grave danger, là. Après, il dit, quatrième point, il dit que la laïcité ne contredit pas l'islam, mais au contraire, fait partie des fondements de l'islam, et le fait de dire qu'ils sont en position, et le fait de dire qu'ils sont en opposition, c'est-à-dire que la laïcité est en opposition avec l'islam, est absurde. Il conseille donc aux jeunes la lecture de livres de certains philosophes mécréens, athées et laïcs, et il déclare Aimé Voltaire, qui est un philosophe français de l'époque de la Révolution française. Il dit qu'il est permis de ne pas appliquer les lois d'Allah à ce qui concerne les choses de ce bas monde, car dans ce bas monde, la règle de base c'est al-ibah, l'autorisation et la permission. Alhamdulillah, comment il joue avec la religion d'Allah. Alhamdulillah. Cinquièmement, il dit que les savants salafis sont didactiques, qu'on peut apprendre d'eux en ce qui concerne de la croyance. Didactique, non. Comme il l'a expliqué ici, il dit qu'on peut apprendre d'eux. Didactique, c'est-à-dire qu'on peut apprendre d'eux. On peut apprendre d'eux à l'aqida, une adoration, à l'ibadat, mais pas dans ce qui concerne des affaires sociales. Mais un lama de salafis, là tu peux prendre d'eux l'aqida, et l'ibadat, un cercle, mais en ce qui concerne le mu'amalat, les affaires sociales, politiques, tu ne dois pas t'en référer parce que c'est ça, exactement. Étant donné qu'il a ces tendances de Ikhwan musulmans qui sont une tendance politique et aussi une harakiya, c'est-à-dire c'est des activistes. Donc pour eux, tout savant qui ne va pas être d'accord avec leurs opinions, eh bien automatiquement ils vont être considérés comme étant des retardataires ou des gens qui veulent faire ralentir le monde musulman ou des choses comme ça. Ils les ignorent complètement. Et ils ne leur donnent aucun poids, aucune importance. Sixièmement, il faut interroger au sujet des chiites et de mettre en garde sur eux. et il répondit que les musulmans ont dit beaucoup de stupidité sur les chiens, mais qu'ils ne connaissent pas le vrai sens du chiens, et que lorsqu'on lit leurs livres, on s'aperçoit qu'ils sont très intéressants et importants, et qu'il y a dedans de la science nécessaire et très profonde. Et Ali, subhanallah, il suit la voie de son grand-père, Hassan al-Banna, qui a été un des premiers là, à essayer d'établir un sens pour rapprocher les Rafidah avec les gens de la Sunna. Et ils ont même ouvert une section dans Al-Azhar, qui s'appelle Allah, ils ont même mis une section dans l'Azhar pour enseigner le Madhab al-Ja'fari. Selon comment ils appellent leur Madhab comme étant le Madhab al-Ja'fari. Et comme je disais à un frère, souvent je disais à un frère que, comment vous pouvez critiquer, par exemple, les Salafis, vous dites qu'ils veulent faire un cinquième Madhab. Hein? Vous dites, vous voulez faire un cinquième Madhab. Et là, ils disent, alors qu'il n'y a seulement quatre madhab, d'accord? Alors là, ils acceptent le madhab al-Ja'fari, et ils ne disent pas que ça c'est un cinquième madhab. On sait très bien qu'en réalité, il n'y a aucun problème avec le nombre de madhab, c'est-à-dire tant que c'est basé sur Kitab al-Sunna, il y a bien plus que quatre madhab. Il y en a quatre qui sont plus connus par les gens, mais au temps des a'immas, au temps de ces imams, il y avait plus que quatre imams. Il y avait beaucoup d'autres a'immas avant eux et après eux. Et leur madhahib n'a pas été préservé. Mais tout se basait sur les mêmes fondements de l'islam. Mais là, ce que les rafidah et les shi'a, eux, utilisent comme fondement, eh bien, en partant, c'est complètement contraire aux paroles et aux fondements de Ahl al-Sunna wal Jama'a. C'est-à-dire, pour les shi'a, les bases de l'ilm, de la religion, c'est en premier, les paroles de leurs imams. Les paroles de leurs imams ont précédence sur le Coran et la Sunna. D'accord? Et le hadith, pour eux, c'est les paroles de leurs imams. C'est pas les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, on va en parler peut-être une autre fois, mais c'est juste pour montrer qu'il essaie toujours de les défendre et de faire des excuses pour eux. Septièmement, on lui demanda, quelle est la loi prioritaire pour vous? La loi de la République ou la loi du Coran? Il répondit, en France, il n'y a aucun doute que la loi républicaine prime. Subhanallah, alhamdulillah. Alors, la réponse du Cheikh Abdelaziz Ar-Rajihi, au nom d'Allah, le très miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Cet homme, prêcheur de Moutarik Ramadan, qui appelle à la laïcité et à l'interdiction de l'appellation de l'application des peines qu'il qualifie de monstrueux et qui ne condamne pas l'apostat ou l'apostasie, mais condamne l'interdiction de l'adoration du Messie fils de Mariam pour les chrétiens et l'interdiction de la construction, oui, il condamne l'interdiction de l'adoration du fils de Marie pour les chrétiens et l'interdiction des constructions d'églises. Et qui dit que la loi républicaine prime sur le Coran, cet homme est un mécréant apostat. Il a rassemblé nombre de blasphèmes. Il appelle à la laïcité et fait de l'apostasie. Il appelle les gens à la laïcité, c'est-à-dire de dire que la loi d'Allah, elle n'a pas affaire à juger dans les affaires de la dunya, mais qu'elle doit seulement se limiter aux affaires spirituelles. Alors là, ça c'est essayer de rejeter les révélations d'Allah, de rejeter les ordres qui ont été révélés dans le Coran et dans la Sunna. Et ça, bien entendu, c'est une ridda, un kufr. Il critique les peines islamiques, il critique les hudoud, celles qui ont été révélées par Allah, par exemple la lapidation, couper la main de la personne qui vole, ou des choses de ce genre. Il dit que ce sont des choses monstrueuses. Et subhanallah, ça c'est comme quelqu'un qui dit, je suis plus miséricordieux qu'Allah. Hein? Allah, il a révélé des punitions monstrueuses. Et moi je suis miséricordieux plus que Allah, donc je dis que ces punitions monstrueuses doivent être abolies. Et subhanallah. Il ne condamne pas l'adoration des chrétiens envers le Messie, fils du Marie. Et subhanallah, le cheikh sûrement il va expliquer en détail ces choses-là. Et après, il préfère la loi républicaine au Coran. Cet individu a commis 5 types de blasphème et chacun d'eux oblige l'application de la peine de mort s'il comparaissait devant un tribunal islamique. C'est-à-dire, chacune de ces idées-là, individuellement, elles sont suffisantes d'elles-mêmes pour dire que la personne est en dehors de l'islam. Alors, imagine s'il les a toutes mises ensemble. Ça, c'est grave. Après, il dit, conformément à la parole du prophète, qu'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque change sa religion, tuez-le. Ça, c'est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari. Man baddala dinahu faqtuluh. C'est-à-dire qu'il change sa religion, tuez-le. Et de la parole du prophète d'Allah, du messager d'Allah, qu'Allah, sur lui, et salut, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous informe, de ce que nous informe Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il est interdit de faire couler le sang du musulman, qui atteste qu'il n'y a de divinité vraie qu'Allah, et que je suis le messager d'Allah, sauf dans 3 cas. Le meurtrier qui tue injustement quelqu'un, l'adultérin marié et celui qui se détache et abandonne la jama'a. Ce hadith-là qui dit « La yahil dam imri'i muslimin illa bi ihda thalath » ou « illa li ihda thalath » « As-sayyibu al-zani » non, « al-nafsu bil-nafs » « al-nafsu bil-nafs » « Was-sayyibu al-zani » والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا الحديث rapporté par البخاري المسلم. Ça veut dire exactement qu'est-ce qu'on a dit. Après, le cheikh il cite l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, l'auteur de Al-Mughni, qui est un des plus grands fuqaha du mazhab al-Hanbali. Ce livre-là, Al-Mughni, l'encyclopédie, subhanallah, c'est un grand livre sur le titre. Elle rapporte les paroles de tous les aïmas, de tous les madaris, et analyse chaque position, on explique bien les choses. Et dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quiconque change sa religion, tuez-le. Et les gens de science, l'ulama, sont unanimes quant à l'obligation de tuer l'apostat. Tous les paroles sont tous d'accord. Il y a une unanimité là-dessus. Personne d'entre eux n'a dit quelque chose de contraire, dans tous les siècles, de toutes les époques. Alors, après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et cela est rapporté de Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Mu'adh ibn Jabal, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Abbas, Khalid, et d'autres que, et personne n'a répété cela. C'est donc un ijma, c'est un consensus. Après, il dit, il cite une ayah, il dit, et Allah Ta'ala a dit, ceux parmi vous qui apostasient leur religion et mourront mécréants, vains seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et dans la vie future. Voilà les gens du feu et ils y demeureront éternellement. Après, il continue, le cheikh, il dit, le cas de cet homme est maintenant démontré, et quiconque le défend ne peut être que dans un de ces deux cas, un ignorant à qui il faut expliquer et démontrer le cas de cet homme, si après cela la personne persiste à défendre cet homme après qu'il ait pris connaissance de son cas, alors c'est un apostat lui aussi, et si cette personne est au courant de son cas, alors c'est un apostat, car parmi les blasphèmes, il y a le fait de ne pas considérer mécréant le mécréant, ou de douter de sa mécréance, ou de considérer sa voix comme étant correcte. Celui qui fait cela est un mécréant comme lui, comme l'ont estimé les gens de science, et comme nous prouvent les textes clairs et évidents du Coran et de la Sunna. Et donc, ça c'est un résumé. Allez. Bien entendu, le cheikh il serait capable de détailler et d'aller encore plus dans les détails, mais il n'est pas allé dans tous les détails, mais il a seulement donné une réponse résumée. Bien entendu, les frères, qu'est-ce qu'ils font? Ils téléphonent au chouïau et ils font des longues distances pour arriver à rentrer en contact avec les ulama, et des fois, bien entendu, les choses, bon, ils sont occupés, ils ont beaucoup d'activités, ils ont des cours et tout. Donc, ils n'ont pas beaucoup de temps, et aussi, parce que souvent ça, c'est que les communications sont plus distendues, des fois, quand tu appelles à longue distance. Mais, mashallah, alhamdulillah, c'est une chose très importante, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Faites pas attention à l'endo, là, c'est des, il n'y avait plus de feuilles. C'est moi qui ai écrit ce texte, ça fait environ 8 ans, là, que j'ai écrit ce texte. Il y avait quelque chose qui n'a pas rapport avec l'autre. Donc, alhamdulillah, yani, il ne faut pas, comme on dit, il ne faut pas prendre, il y en a juste 3, mais tu peux le prendre si tu veux. C'est comme tu veux, c'est comme je disais, yani, quand on aime une personne, souvent, on a, des fois, on. Ah, d'accord. Une zoupe de. Parmi les tactiques qu'ils utilisent, hein, ils peuvent même permettre de mentir pour essayer d'attirer les gens. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les orateurs. Quand ils voient qu'une personne parle bien, même si elle dit des choses contraires à l'islam, ils disent, bon, lui, il peut servir à notre cause, il peut attirer des membres. Alors ils le font parler. Comme ils font pour Amr Khalid, comme ils font pour Farid Ramadan et tous autres. Oui, il est bien aimé parmi ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est une personne, il n'a pas d'ilm, il n'a pas de connaissance de l'islam. Il fait juste rapporter des récits. Et on a posé des questions en parlant au ulama. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent qu'on doit écouter les conférences de Amr Khalid? Est-ce que vous considérez qu'on devrait encourager les musulmans à l'écouter? Et les chouïrs, ils ont répondu, ils ont dit, Amr Khalid, une personne, il parle, il sait bien parler, okay, mais en réalité, il n'a pas une connaissance réelle de l'islam. Et puis, c'est ce que les gens de l'Ikhwan Muslimin, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent des gens comme ce personnage-là, et puis ils attirent les foules avec ces gens-là. Mais tu réalises que quand tu regardes ce qu'ils disent, tu réalises qu'ils ne disent rien vraiment. C'est plus parce que il parle dans l'accent égyptien, il s'adresse aux gens, il se rase la barbe, puis il porte la cravate avec le veston, et là il commence à parler aux gens de toute son histoire. J'ai écouté ça, je suis allé sur internet pour voir c'était qui Amr Khalid, parce que j'entendais parler de lui, et puis j'ai jamais vraiment écouté ce qu'il dit. Et subhanallah, malheureusement, ils ont l'arrivée de tout, et c'est cassé, ouais. Alors, ouais, avec la photo, ils mettent la photo sur le mur. Alors, quand j'ai écouté ce qu'il disait, j'ai dit que ça n'a pas vraiment contenu, il faut juste parler. Et subhanallah, et comme. Non, c'est ça. Et quand le chef l'a critiqué, il l'a dit, ces gens-là, ils font partie de ce qu'on appelle Al-Aqlaniyoun. Al-Aqlaniyoun, c'est quoi? C'est des gens, quand ils parlent du Coran ou de la Sunna, ils ne se réfèrent jamais au tafsir. Ils ne se réfèrent jamais aux paroles du Prophète ou au Salaf, des Sahaba et des Tabi'in. Ils se réfèrent uniquement à leur raison. Ils interprètent le Coran à leur façon, selon ce qui leur semble, selon comme bon leur semble. Donc, ce sont des gens en réalité, quand ils parlent de cette façon, c'est très dangereux. Parce qu'ils peuvent faire tomber beaucoup de gens dans l'égarement à cause de ça. Ils interprètent le Coran n'importe quelle façon, subhanallah. Et puis, bon, subhanallah, je ne sais pas. C'est dommage que les musulmans ne prennent pas plus d'importance à écouter leurs savants que d'écouter les gens de ce genre-là. Ben c'est ça. Ils vont dire, ah, les ulama de l'islam ils sont trop stricts, ils sont trop sévères. Nous, on veut écouter, on veut pas écouter des gens comme ça. Lui, il n'a pas, il a l'air plus cool, nous fait, il nous permet de faire ce qu'on veut. Ouais, c'est ça, il dit ça, des choses de ce genre. Et puis bon, ça on critique le Amsal ou Tariq Ramadan. Le but c'est pas de les attaquer ou de les rabaisser ou quoi que ce soit, mais c'est de prévenir les musulmans dans le but d'éviter qu'ils tombent dans le piège de ces gens-là. Parce que c'est un danger, et ça fait pas partie, comme certains peuvent penser, là, que ça fait partie de parler dans le dos ou de blasphémer quelqu'un. Pourquoi? Parce que, ouais. Qui explique en français. Ils veulent du tout cuit, là, de la matière déjà digérée peut-être, mais ils ne veulent pas faire leur effort personnel pour arriver à acquérir une connaissance. Il y a peut-être ça. Mais comme tu disais, Hamza Yani, c'est vrai parce que il y a beaucoup de musulmans qui voient que l'islam est attaqué par tous les sens, hein, dans les médias, partout, de tous les sens. Et il n'y a pas vraiment personne qui se lève et aller dans les médias pour essayer de faire un contrepoids, pour essayer de dire bon, ok, c'est pas vrai, il faut répondre à ces choses-là. Par contre, le malheur avec le discours de Tariq Ramadan, c'est que lui, il est sauté dans le piège. Il est tombé dans le piège que ces non-musulmans-là lui ont tendu, parce que il est entré dans le débat avec eux sur leur terrain, à eux, et dans leur, selon leurs termes, à eux. Et tu ne peux pas débattre ou défendre l'islam selon leurs termes, puisque l'islam vient d'Allah. Tu comprends? Donc tu ne peux pas, c'est pas comme si tu peux défendre l'islam, comme si c'était une théorie politique comme le communisme ou le socialisme, et essayer de prouver que c'est un système qui est supérieur à tous les autres systèmes, sans que tu appelles les gens à y croire en premier. Tu comprends? Parce que si quelqu'un dit oui, j'accepte l'islam, j'accepte que on doit interdire, par exemple, l'intérêt bancaire, et qu'on doit interdire l'alcool, mais je ne crois pas en Dieu. Tu vois? Il va accepter les choses de l'islam. Il dit, j'accepte toutes les interdictions de l'islam, et j'affirme toutes les choses qui sont bonnes dans l'islam. Je dis que ça, on peut réformer la société avec ça. Mais je ne veux pas adorer, je ne veux pas prier, je ne veux pas faire la zakat, je ne veux pas faire ces choses-là, je ne veux pas jeûner, je veux juste accepter les lois, des règles, des interdictions, tout ça, pour la morale sociale, mais après je vais juste me baser là-dessus, je ne vais pas me baser sur la foi. Et ça c'est dangereux, Yanni. En fait, c'est ce que ces gens-là ils font, là. Ils s'assoient autour d'une table avec du café fort, là. Et là ils commencent à philosopher à propos de la laïcité, de l'islam, la loi, le Coran, et tout. Puis la plupart, ils se moquent d'Allah et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils se moquent de l'islam. Donc quand tu vas aller t'asseoir avec ces gens-là qui se moquent de l'islam, c'est comme si tu es complice avec eux dans leur discussion là. Donc il faut, si tu veux, comme nous là, on est assis ici dans la mosquée, on est en train de faire notre dars, on est en train en même temps de réfuter les arguments et les attaques de ces non-musulmans, ce qu'ils disent contre l'islam, même si on ne le fait pas devant les médias, devant les caméras, devant les choses. Mais quand même, on est en train de le faire, et on est en train de s'armer. On est en train de se protéger et de s'armer sur le plan intellectuel, sur le plan de la foi, avec la connaissance de l'islam pourrais être capable par la suite de réciter, d'expliquer aux autres, de les appeler à tous la vérité. Et c'est seulement la connaissance qui va pouvoir nous sauver de tous ces pièges. C'est pas d'autre chose que la connaissance. Donc, subhanallah, le sujet dont on va parler aujourd'hui dans le Dars, c'est un rapport avec ça. Et c'est étonnant par contre de voir que, par exemple, Tawhid, maintenant au Sifat, vous allez entendre par exemple certains groupes de musulmans, quand ils parlent de Tawhid, comme on a déjà parlé de ça, ils se limitent uniquement à parler du Tawhid al-Rububiyyah, c'est-à-dire Tawhid de la souveraineté d'Allah. C'est-à-dire, et tout ça, c'est-à-dire, ils se limitent à dire que pour avoir appliqué l'unicité de Dieu, il faut croire qu'il y a un seul créateur, il y a un seul Dieu. Et si tu crois en ça, ça y est, tu as respecté les conditions de ton chien, d'accord? Mais si tu vas commencer à expliquer les autres aspects de ton chien, comme par exemple celui dont on va parler aujourd'hui, les noms et les attributs d'Allah, et d'expliquer comment certaines sectes sont déviées du droit chemin à ce sujet-là, et tu vas expliquer ces questions-là, alors eux, ils vont commencer à dire écoutez. Comme par exemple, il y a un qui est bien connu, M. Al-Qardawi. Il a dit dans un livre, dans un de ses livres, il ne faut pas parler de ces questions-là. C'est-à-dire, il ne faut pas discuter de Tawhid al-Asma al-Sifat et des différences entre les sectes qui sont arrivées à propos de l'Asma al-Sifat. Il dit parce que notre combat, ce n'est pas avec ces gens-là. Notre vrai combat, c'est contre les gens qui nient l'existence de Dieu, comme ceux qui nient, par exemple, que Dieu existe, comme les communistes, les matérialistes, les socialistes. Hein? Et donc, il faut juste critiquer ceux-là, mais il ne faut pas critiquer les gens qui nient les attributs de Dieu, ou qui les influencent, ou qui les interprètent d'une interprétation qui est contraire à la réalité de son sens. Donc, en réalité, ce que Youssef al-Qardawi dit dans cette critique-là, dans cette question-là, c'est une contradiction. Parce que tu ne peux pas dire je vais juste critiquer ceux qui nient directement l'existence de Dieu, je ne vais pas critiquer ceux qui essaient de nier ses attributs. Parce que si tu nies ses attributs, et si tu les interprètes d'une façon à changer leur sens, alors c'est comme si en réalité tu essaies de nier Dieu aussi. Parce que Dieu est connu par ses attributs. Hein? Donc si tu nies ses attributs, tu nies Dieu aussi, même si tu ne le nies pas directement, mais tu le nies indirectement. Comprends? Et on va expliquer ça, on va rentrer dans le sujet en détail pour comprendre qu'est-ce que ça signifie, Tawhid al-Asma wa Sifat. Donc, on va commencer. ثالثا توحيد الأسماء والصفات تقدم أن بينا أن التوحيد ثلاثة أنواع توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وقد تكلمنا فيما سبق عن النوعين الأولين منه وهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية لأن كل نوع من هذه الأنواع جحده طائفة من البشر. Donc, le Cheikh il dit, précédemment, on a expliqué qu'il y a trois sortes de tawhid. Le tawhid al-Rububiyya, c'est-à-dire le tawhid dans la souveraineté d'Allah. Tout ce qui a rapport avec le fait que Allah est celui qui donne la subsistance, c'est celui qui crée toute chose, c'est celui qui contrôle toute chose, c'est celui qui est maître de toute chose. C'est celui qui fait que toute chose peut se transformer, peut bouger, peut se mouvoir, peut exister. Yani, ça, c'est un rapport avec Tawhid al-Rububiyya. Que Allah soit le Rab. Rububiyya, ça vient de Rab. Et Rab, c'est celui qui donne à toute chose sa subsistance, qui lui permet de grandir, qui lui permet d'avancer, d'évoluer, de se changer, de se transformer, qui lui permet d'exister, qu'il a créé tout. Donc, c'est ce que ça signifie. Donc, quand on parle de ce tawhid, c'est de ce Rububiyya. On en a parlé au début. C'était le premier sujet dont on a parlé. Ensuite, Tawhid al-Uluhiyya. Ça, c'était la plus grande partie de ce qu'on a parlé jusqu'à date. C'est-à-dire le Tawhid qui se rapporte à faire que Allah, à unifier Allah dans notre adoration. Hein? Ça, c'est le premier. C'était Ar-Rububiyya, le deuxième Al-Uluhiyya, c'est-à-dire l'adoration. Et on en a parlé, on a expliqué tous les exemples qui se rapportent avec le fait d'associer Allah, de donner à Allah un partenaire dans l'adoration. Et on a expliqué tous les exemples. Al-Uluhiyya. Uluhiyya. Uluhiyya, oui. Le deuxième. Le premier, c'est Ar-Rububiyya. Uluhiyya, ça vient de Ul. The first one is worship, the second one is the unicity of Allah and the worship. Now, en fait, en trois langues. Alhamdulillah. Now, on va faire quatrième. Donc, oui. Donc, l'unicité d'Allah dans la adoration. Et on en a parlé avec beaucoup d'explications, beaucoup de détails. Le tawhid, la troisième, c'est tawhid al-atma'i wa sifat. C'est-à-dire, ah oui, comme j'allais dire, al-uluhiyya, ça veut dire ilah. Ilah, ça veut dire, al-ma'boud, en arabe. Al-ilah, ou al-ma'boud. C'est-à-dire, al-ilah, ça signifie une chose qui est adorée par les gens. N'importe quelle chose qui est un ilah, c'est une chose que les gens adorent, peu importe. Si tu dis par exemple, les gens adorent une vache, c'est un ilah, parce qu'il est adoré par les gens. Si tu dis par exemple, le djinn est un ilah, parce que si les gens adorent le djinn, donc tu dis, ce djinn là, c'est un ilah pour ceux qui l'adorent. Si tu dis par exemple, Michael Jackson, les gens l'adorent, c'est un exemple. Ou bien, même, ça peut être n'importe quoi, une pierre, une roche, un stylo, un livre, n'importe quoi. Quelqu'un dit ça, c'est « je l'adore », ça veut dire ça, c'est bon, il a. Oui, c'est quand on dit, c'est pour ça que lorsqu'on dit « la ilaha illallah », c'est-à-dire qu'il dit « il n'y a rien qui doit, qui mérite d'être une chose adorée, excepté Allah ». Et pourquoi? Parce que c'est lui seul qui a tout créé, qui est maître de tout. qui a pouvoir sur toute chose, étant donné qu'il a tous ses attributs de perfection là, c'est lui seul qui mérite d'être adoré, alors que les autres choses que les hommes adorent, comme la vache, la pierre, la statue, l'idole, elles n'ont pas ces attributs de perfection là, et donc elles ne méritent pas l'adoration. Hein? Et donc c'est ça. Après, le chef, il explique la troisième catégorie qui est le tawhid au sujet des noms et des attributs divins. Donc, d'unifier Allah dans ses noms et dans ses attributs. Après, il explique, il dit, وَقَدْ تَكَلَّمْنَا, on a parlé des deux premières catégories, qui est Ar-Rububiyya ou Al-Uluhiyya, et maintenant, il dit, dans chacune de ces catégories-là, on a montré qu'il y a un groupe parmi les hommes, qui essaie de le contredire, ou qui essaie de le rejeter. C'est-à-dire, il y a, dans chaque catégorie, il y a un groupe des hommes qui essaie de rejeter cet aspect du tawhid. Oui. Le tawhid al-Rububiyya, jahadahu al-Mu'attila, ankaru wujud Allah, kad-Dahriyya, wal-Malahida, wa minhum al-Shuyu'iyya fi asrina al-Hadir. وإن كان جحودهم له إنما هو في الظاهر مكابرة منهم وإلا فهم يقرون به في الباطن وفي قرارة أنفسهم إذ لا يعقل وجود مخلوق بدون خالق. Donc le cheikh dit en premier, توحيد الربوبية a été réfuté ou rejeté par un groupe des êtres humains et ce sont المعطلة. Al-Mu'attila, c'est qui? C'est ceux qui rejettent, qui nient l'existence de Dieu. Et ceux qui, Et ils donnent comme exemple Ad-Dahriya. Ou Al-Malahida. Ad-Dahriya, c'est les gens qui croient, par exemple, que l'univers est éternel, elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin, et qu'elle existe par elle-même, elle se transforme. Hein. Donc c'est comme un peu comme les matérialistes d'aujourd'hui, ou les athées d'aujourd'hui, qui donnent à la nature, qui attribuent à la nature une conscience ou bien une sorte de force, mais qui refusent d'affirmer l'existence de Dieu. Ensuite, il donne l'exemple aussi des athées comme par exemple les communistes aujourd'hui, qui eux aussi sont ces gens qui nient l'existence de Dieu. Mais le cheikh il dit, mais en réalité, leur rejet de croire en Dieu est seulement en apparence, parce que c'est une forme d'orgueil de leur part, parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent et ils reconnaissent que Dieu existe. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout le monde sait que ce n'est pas logique de croire qu'une chose peut être créée sans qu'elle ait un créateur. Donc, c'est complètement absurde de croire à ça. La deuxième catégorie, c'est le Tawhid al-Uluhiyya, et ça, ça a été refusé par la plupart des hommes sur la terre. Et c'est pour ce Tawhid-là, c'est pour cette catégorie-là que principalement les messagers et les livres ont été envoyés par Allah. Et c'est pour ce Tawhid-là qu'ils sont venus pour appeler les hommes à le suivre et à la respecter. Et parmi ceux qui l'ont rejeté, ce sont al-mushrikoun, les idolâtres, les gens qui adorent autre que Allah, du temps du passé, tout comme ceux d'aujourd'hui. Ils ont refusé cet aspect du tawhid de différentes façons. Par exemple, en adorant les arbres, ou les pierres, ou les idoles, ou les tombeaux, ou les endroits où les morts sont, et aussi en adorant par exemple les mashayikhs des soufis, et en croyant que ces gens-là peuvent t'amener un bien. Si tu les adores, ça peut t'amener un bien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux par exemple qui adorent les hommes, par exemple, il y en a parmi les gens qui se disent musulmans et qui prient et qui prennent comme intercesseurs entre eux et Allah, ils prennent par exemple des hommes religieux, des chouyours par exemple comme dans le soufisme, et il y en a qui prennent pour intermédiaire entre eux et Allah des chouyours, oui, des hommes, hein, et ça c'est une forme d'idolâtrie. Hein. Il y en a qui vont à la tombe d'un homme et ils vont lui demander de les exaucer, de leur donner des choses, hein. Et ça fait partie du chef de l'aïe. Subhanallah, le frère il dit qu'il y a une tariqa soufia au Maroc. Et quand, par exemple, le chef, le guide là, ou le chef de ce groupe soufi, quand il passe dans la mosquée, les gens s'inclinent devant lui, ils font le recours devant lui. Et ça, comme le frère il dit là, il y a des gens qui font ça. Et en fait, même j'ai vu à la télévision, une fois d'une fille, que des gens faisaient ça, même le roi, l'ancien roi du Maroc, Hassan II, il avait un groupe de personnes là, qui restaient toujours près de lui, là, et il s'inclinait toujours devant lui, là. Hein? Et tous les citoyens du Maroc, ça y est, ouais. Parce qu'ils le considèrent comme une sorte de. Oui, c'est parce qu'ils pensent que. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'ils croient qu'ils sont des gens descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, comme par exemple, on les appelle Al-Ashra, hein, au Maroc. Et ils croient qu'ils ont un statut spécifique, spécial, ces gens-là. Et donc, ils méritent d'être conseillés plus nerveux et tout. Et ça, en réalité, c'est interdit aux personnes dans l'islam. Au temps du prophète, il y avait un des Sahaba qui était allé en Palestine. Je pense que c'était Mu'adh ibn Jabal. Il est parti là-bas, il a vu les chrétiens, et il a vu qu'ils se prosternaient devant leur roi et tout ça, donc, et leur prêtre. Donc, il est revenu à Médine, il est revenu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand il l'a vu, il s'est prosterné devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Et là, il a dit, j'ai vu les gens du livre qui faisaient ça pour leur personne, pour les personnes importantes parmi eux. Alors, étant donné que j'ai considéré que toi tu es beaucoup plus important que eux, puisque toi tu es le messager d'Allah, alors j'ai voulu faire ça pour toi aussi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il a dit, si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, j'aurais demandé à la femme de se prosterner devant son mari. Et il a dit, ces gens-là ont menti en disant qu'ils devaient faire ça à leur prophète, et il a interdit de faire un acte pareil. D'accord? Et il y a beaucoup de versets dans le Coran, par exemple, on a dit dans le Coran, « La tasjudu lish-shamsi wa la lil-qamari, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna, wa kuntum iyyahu ta'budun. » Ne vous prosternez pas au soleil, ni à la lune, mais prosternez-vous à Allah, celui qui nous a créés, si vous êtes certes des croyants. Donc ça veut dire que la prosternation, le recours sont des actes d'adoration et ils doivent être uniquement faits pour Allah, le Créateur de l'univers, et non pour personne d'entre les êtres humains. Même pour le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et si c'est le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus noble des créatures, alors c'est encore plus important de ne pas le faire pour quiconque autre que lui. Peu importe son statut, peu importe son degré ou son titre. Hein? Aux anges de se prosterner à Adam. Ou qu'il a, par exemple, dans l'histoire de Youssef, quand Youssef a dit, j'ai vu dans un rêve qu'il y avait les étoiles et la lune, et il a dit, se prosterner devant moi. Alors, il a dit ça, et donc, les soufis, ils prennent ça pour essayer de dire, regarde, ce n'était pas interdit, puisque, eux, ils ont fait ça à des êtres humains, et donc, ça, c'est une preuve. Premièrement, quand les anges sont prosternés à Adam, c'était un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce cas-là, c'est une obligation de le faire, si Allah t'ordonne de le faire, et dans ce cas-là, ce n'était pas une adoration pour Adam. C'était plutôt une adoration pour Allah, et c'était une sorte de salut pour Adam, une sorte de respect pour Adam. Ce n'était pas une adoration, et pour le cas de Youssef, c'était comme les chouïrs ont dit, ça a été, à cette époque-là, ce n'était pas interdit. Sauf que par la suite, avec la charia du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu pour compléter le message de tous les autres prophètes qui sont venus avant, ça a été complètement interdit, ce genre de sacre, pour autre que Allah. Donc il n'y a plus d'excuses pour quiconque après qui veut venir essayer de justifier ces choses-là. Un être humain ne doit pas s'humilier devant aucun autre être humain, excepté dans l'intention de s'humilier de cette façon, excepté devant Allah. Donc le fait de baisser la tête, de se prosterner ou d'embrasser le sol devant quelqu'un, c'est pas quelque chose qui est accepté dans l'islam. Et il y a justement, j'ai lu à ce sujet-là dans Majmou' al-Fatawa de Ibn Taymiyyah, il a parlé de ça dans un livre qui parle du tasawwuf. Il a critiqué cet acte. Et il a mis ça, c'est quelque chose qui. C'est juste pour expliquer en passant, pour répondre à ce point. Donc, après le cheikh dit والقسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات ويعني إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات الكمال ونفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من صفات النقص على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et le cheikh dit, et maintenant c'est la troisième catégorie du tawhid qui est tawhid al-asma wa sifat. Et en fait, j'ai préparé pour vous les frères un petit texte là qui essaie de vous plonger un peu dans la réalité de it's in French. Sorry, I didn't make it in English. En fait, you can pass it around. Je vais le faire circuler ça en fait. Vous pouvez le lire après, à la maison, Inch'Allah. Puis, en fait, c'est comme une sorte de résumé, mais c'est une introduction là au sujet. C'est plutôt une introduction à la question là. C'est quoi autour de quoi tourne la question des noms et des attributs d'Allah. C'est un texte qui a été écrit en réponse à certaines allusions des gens de Bid'a. Oui, et l'autre côté de la paix, ça n'a rien à voir avec le sujet là. C'était juste une. J'avais plus de pages, j'avais plus de feuilles blanches, alors j'ai dû recycler en utilisant des. Non, c'est vrai, c'est bon, alhamdulillah. Donc, le cheikh il explique et il dit. وهو القسم الثالث يعني c'est la troisième catégorie et c'est l'unicité d'Allah dans les noms et les attributs. Et qu'est-ce que ça signifie l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs? Ça signifie ceci, ça signifie d'affirmer ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même ainsi que son messager des attributs de perfection qu'il s'est donné lui-même dans le Coran et dans la Sunna. D'accord? Donc, si Allah, dans son livre, il s'est attribué, il s'est affirmé des noms et des attributs, on doit lui affirmer. Et si le prophète, dans la sunna, a affirmé des attributs et des noms à Allah, on doit l'affirmer aussi. Parce que Allah, personne ne le connaît mieux qu'il se connaît lui-même. Et le prophète, étant donné qu'il parle selon la révélation d'Allah, donc ce qu'il dit à propos d'Allah est la vérité. Hein? C'est ça que Allah SWT dit Subhan Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun wa Salamun ala al-Mursalin wa alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc Subhan Rabbika, gloire à Allah SWT et qu'il soit purifié de ce que les idolâtres lui attribuent. Hein? C'est-à-dire les attributs, les idolâtres, ils donnent à Allah des faux attributs. Il lui attribue des choses d'imperfection, des attributs d'imperfection et des caractéristiques d'imperfection. Donc Allah se purifie de ce que ces gens-là lui attribuent. Et il dit « Wa salamun ala al-mursalin » et paix sur les messagers. C'est-à-dire, eux les messagers, ils ont la paix parce qu'ils ils attribuent à Allah la vérité, les attributs de perfection. Walhamdulillah, et louange à Allah, Seigneur des noms. Donc, on affirme ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même, tel qu'il l'a affirmé, et on nie ce qu'Allah s'est nié pour lui-même. S'il a nié à son sujet quelque chose, on le nie nous aussi. Par exemple, il a dit qu'il n'a pas de titre, on nie qu'il a un fils. Il dit, je n'ai pas d'épouse, on nie qu'il a une épouse. Allah dit, je ne mange pas, je ne dors pas, donc on nie qu'il dort ou qu'il mange. Hein? Donc c'est de cette façon-là qu'on fait. et on suit cette règle, pourquoi on ne peut pas nier ou affirmer quelque chose excepté à propos d'Allah, excepté avec une référence ou une preuve qui vient du Coran ou de la Sunna, parce qu'on parle de quelque chose qui est al-ghayb. Hein? Et ça, c'est la base de Ahl Sunna al-Jama'a. Et donc, on se base là-dessus, en se basant sur le verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Ce verset, ça dit, et il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien comme lui. Et il est le voyant, celui qui voit tout, et qui entend tout et qui voit tout. السَّمِيعُ, Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui entend tout, الْبَصِيرُ, celui qui entend et qui voit tout. الْبَصِيرُ, celui qui voit tout. Donc, il n'y a rien qui lui ressemble. Et ça, on doit croire que rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. Il n'y a rien qui ressemble à ta création. Alaykum salam. Après donc, le cheikh il dit, وَقَدْ وَهَذَا الْقِسْمُ قَدْ جَحَدَهُ الْجَهْمِيَةُ وَتَلَامِيذُهُمْ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْأَشَاعِرَةِ وَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ دَاخِلٌ فِي تَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَلَكِنْ كثر منكروه وروجوا الشبه حوله أفرد بالبحث وجعل قسما مستقلا وألفت فيه المؤلفات الكثيرة فألف الإمام أحمد رده المشهور عليه على الجهمية وألف ابنه عبد الله بن أحمد يعني كتاب السنة وألف عبد العزيز الكناني كتاب الحيدة في الرد على بشر المغيثي وألف أبو عبد الله المروزي كتاب السنة وألف عثمان بن سعيد كتاب الرد على بشر المغيثي وألف إمام الأئمة محمد بن خزيمة كتاب التوحيد وألف غير هؤلاء كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الردود على هؤلاء ومن جاء بعدهم وسار على نهجهم فلله الحمد والمنة على بيان الحق وضحك الباطل. Donc le cheikh il explique après, il dit, in cette catégorie de tawhid, comme il y a un groupe parmi les hommes qui ont nié les autres catégories de tawhid, il y a aussi un groupe parmi les hommes qui a essayé de nier cette catégorie de tawhid aussi. Et ce sont qui? Ce sont Al-Jahmiya et leurs élèves parmi les Mu'tazila et les Asha'ira. Et ça, ce sont des noms de trois groupes parmi des sectes qui s'attribuent ou qui prétendent appartenir à l'islam. Wa huwa fil haqiqa داخل في التوحيد الربوبية. Donc le cheikh il dit, en réalité, le tawhid qui a rapport avec l'asma ou sifat, il entre dans tawhid al-rububiyya. Il fait partie de tawhid al-rububiyya. Excepté que, étant donné qu'il y avait eu tant de débats sur ce sujet-là, et tant de gens qui sont venus traiter de le nier, alors les ulama ils ont décidé de le rendre une catégorie une catégorie séparée pour essayer de mettre plus d'importance pour clarifier et réciter ceux qui ont essayé de mettre des doutes sur cet aspect du tawhid. Et donc ils ont écrit beaucoup de livres à ce sujet et ils en mentionnent quelques-uns. Donc là, les livres qu'il mentionne, ils sont tous mentionnés dans l'aspect que je vous ai amené. Et moi, j'en ai rajouté d'autres à partir de d'autres références que j'ai à la maison. Donc, je vais lire un peu avec vous de cet aspect que je vous ai amené. Ok? À partir du deuxième paragraphe, parce que le premier paragraphe, ça rentre directement dans le sujet, puis on n'est pas encore rendu là. Donc, je veux juste voir l'historique du développement de ces sectes qu'on vient de mentionner. Mais les gens sont venus avec la philosophie des Grecs. et des hindous. Commencer à faire la fitna entre les musulmans. Les premières personnes qui ont nié Al-Qadar, la prédestination, Al-Istiwa, c'est-à-dire que le dire que Allah SWT est au-dessus de son trône, et les attributs d'Allah SWT, et à dire qu'il faut changer le sens de ces attributs, il y a des fautes d'orthographe, sont, premièrement, celui qui a nié, le premier qui a nié Al-Qadar, c'était Zaylan al-Dimashqi. C'est un chrétien qui s'est converti à l'islam et il a commencé à répandre parmi les gens, essayer de répandre l'idée qu'il n'y a pas de Qadar, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est prédestiné. Ça, c'est en l'an 105 Hijri. Et à cette époque-là, il y avait encore des Sahaba qui vivaient parmi eux. Omar ibn Omar Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab. Et lui, quand on est allé le voir pour lui demander à ce sujet-là, il a expliqué, il a dit que celui qui a nié Al-Qadar, il n'a pas de foi. Et il a mentionné le hadith de Jibril comme preuve pour affirmer ça. Deuxième, ensuite, Al-Ja'd ibn Dirham, qui est mort en l'an 124. Yani, Al-Ja'd ibn Dirham, c'est le premier qui a nié les attributs d'Allah. Le premier parmi les musulmans qui est venu pour essayer de nier certains attributs d'Allah. Et celui-là, il a été exécuté par un des dirigeants de cette époque. Subhanallah, je vais vous expliquer comment c'est arrivé. Non, je crois. Et je vais citer l'exemple qui est expliqué ici dans le livre, Inch'Allah. Je vais mettre ça. Non, pas le deuxième, seulement le premier. Il était musulman, sauf que yani Al-Ja'd ibn Dirham, il avait étudié avec des philosophes et avec des chrétiens et avec des juifs. Donc il avait avant, je ne sais pas s'il s'était converti à l'islam ou s'il était né musulman, mais il avait eu contact avec des philosophes. Et il avait eu contact avec ces gens-là qui nient les attributs divins et tout ça. Donc c'est ça que le chef, dans un autre livre, Nab, dans un autre livre, le chef Ibn Uthaymeen, dans un autre livre, il explique, il dit: وأول من تكلم بالتعطيل الجهل الجعد بن درهم. جعد بن درهم le premier qui a nié les attributs d'Allah. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: Allah, إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا. Il a dit: Allah n'a pas pris Ibrahim comme un ami proche. ولم يتكلم موسى تكليما. Il n'a pas parlé à Moussa. Alors, il a été exécuté par Khalid ibn Abdullah al-Qasri. Il a été exécuté par Khalid ibn Abdullah al-Qasri, et c'était celui qui était dirigeant de l'Irak à cette époque-là. Yani, je ne sais pas si c'est le Maouyé, Wallahu A'lam. Mais il était représentant, il représentait le dirigeant en Irak, et le dirigeant c'était Hisham ibn Abdul Malik. C'était l'Omaoui. L'année, c'était en 119 Hijri. Ouais, c'est ça. Ouais, l'Omaoui. Donc, le chef, Khalid ibn Abdullah al-Qasri, il est sorti à la prière de l'Aïd. Et, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le khutba, il a parlé aux gens. Et quand il a fini le khutba, il a dit: oh les, ya ayyuhanna, dhahu, taqabbal Allahu dhahayakum, فإني مضح إني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل وذبحه وذلك يوم العيد الأضحى سنة 119. Donc, yani, il est, Khalid al-Qasri, il a dit aux gens, oh les gens, allez et faites votre sacrifice. C'était l'Eid al-Adha. Allez et sacrifiez vos animaux, vos moutons, parce que moi, je vais maintenant sacrifier celui-là, Ja'd ibn Dirham. Parce que lui, il a dit que Allah n'a pas pris Ibrahim comme son Khalid, et il n'a pas parlé à Moussa. Alors il est descendu et il l'a exécuté en public, il est dans une mort. Alors Yannick, qu'est-ce qui est arrivé, c'est ça? C'est que ça a été une situation, Yannick, à cette époque-là, étant donné que les gens étaient encore très proches de la Sunna, Yani, personne ne pouvait accepter que quelqu'un avait nié les paroles d'Allah de cette façon-là. Yani. Après, il n'a pas pris Ibrahim Khalil, comme son Khalil. En fait, ça c'était seulement des exemples de ce qu'il disait. Parce que, bien entendu, yani, il nie tous les attributs d'Allah. Ce n'est pas seulement le fait que Allah parle ou que Allah yani, il prend quelqu'un comme un Khalil, mais c'était aussi tous les autres attributs. Yani. Mais les gens de Bid'a de cette catégorie-là, ils ne vont pas exprimer devant tout le monde leurs vraies idées ou leurs croyances détaillées. Ils vont seulement donner certains points pour créer une excuse pour rentrer dans un débat. Et lorsque tu rentres avec eux dans la discussion, alors là, ils te sortent toutes sortes de shubuhat, toutes sortes de... Ils essaient de te mettre des doutes en te donnant des idées fausses, en te mélangeant là, avec des contradictions pour essayer de te mettre dans le doute. Et puis après, yani, ils te font tomber dans le couple. Donc, il y a eu après... Donc, Al-Ja'ad ibn Dirham, on a mentionné. Et le troisième, c'est celui qui a nié aussi les attributs d'Allah et les noms d'Allah, c'était Al-Jahm ibn Safwan. En fait, Al-Jahm ibn Safwan, qui est mort en 127, lui, il a pris ses idées de Ja'ad ibn Dirham. Tout ce qu'il a pris, il a pris de Ja'ad ibn Dirham. C'est pour ça que lorsque j'ai expliqué que parmi les gens qui ont nié les noms et les attributs d'Allah dans notre époque, pas dans notre époque, mais dans cette catégorie-là, ce sont Al-Jahmiya en premier, et leurs élèves comme Al-Mu'tazila ou Al-Asha'ira, ceux-là, on les appelle, on a dit que ceux qui ont nié les attributs, c'est Al-Jahmiya. Et on dit pas que c'est Al-Ja'diya. Parce qu'en réalité, Ja'd ibn Dirham, étant donné qu'il a été exécuté très tôt, il n'a pas été très connu. Et donc, ses idées n'ont pas été répandues beaucoup à son époque. Et c'est pour ça qu'on n'attribue pas cette aqidah à Ja'd ibn Dirham. Mais, étant donné qu'un de ses élèves, yani, Jahm ibn Safwan, c'était réellement lui qui a été la cause de que ces idées-là se répandent, se transmettent parmi les gens. Alors c'est à lui qu'on attribue cette aqidah et on appelle cette secte Al-Jahmiya. À cause de son fondateur de celui qui l'a propagé, c'était Al-Jahm ibn Safwan. Donc après, c'est à partir de ce temps que les sectes de Jahmiya, ok, et des Mu'tazila ont commencé à se propager. Bon, Al-Mu'tazila, ça rentre de où? Ça vient de Al-Wasil ibn Atta. Al-Wasil ibn Atta, c'était un des élèves qui assistait au durus de Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, c'est un des tabi'in. Il a grandi dans la maison d'Aïcha, radhiyallahu anha. C'est un des tabi'in. Il n'a jamais vu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il a grandi avec les sahaba. Et il était parmi les grands ulama, parmi les tabi'in, et parmi les pieux yani, de cette époque. Et yani, Wasil ibn Atta assistait à son darb dans la mosquée. Mais à un certain moment donné, yani, il a eu une différence d'opinion. Il n'a pas été d'accord avec l'idée de Al-Hassan al-Basri ou bien avec les enseignements de Al-Hassan al-Basri au sujet de Al-Iman. Alors, il a décidé de se séparer, de plus assister au darb de Al-Hassan al-Basri. Et il a fait sa propre halaqa, son propre cercle dans la mosquée. Et depuis ce temps-là, on l'a appelé, on a dit, i'tazala. C'est-à-dire, il s'est éloigné, il s'est séparé de du groupe, il s'est séparé du cheikh. Donc, à cause de ça, on a appelé leur groupe al-mu'tazila, à cause de ça. Alaykoum salam wa rahmatullah. Parmi les principes qui ont été établis par la suite par ce groupe-là, c'était le fait de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'on dit que Al-Jahmiya, en fait, sont les élèves de. On dit que Al-Jahmiya sont eux qui ont été les professeurs de Al-Mu'tazila. Donc, c'est ça. Les Jahmiya niaient tous les noms et tous les attributs d'Allah en disant que de les attribuer à Allah impliquait de faire ressembler Allah à sa création. Donc, par exemple, ils niaient tous les noms et les attributs. Ils disaient, on n'a pas le droit d'appeler Allah par aucun nom, excepté de dire qu'il existe. C'est tout. Sans donner à aucun, affirmer aucun des noms d'Allah. Et s'ils disaient les noms qui existent dans le Coran, c'était seulement symbolique. C'est-à-dire d'une façon symbolique. Bien. Après, les Mu'tazila, eux, ils nient pas les noms d'Allah. Ils affirment les noms d'Allah, mais ils les affirment comme des noms, comme si c'était des noms propres. C'est-à-dire, dans le sens que c'est comme par exemple, quelqu'un peut s'appeler Zayd, quelqu'un peut s'appeler Soufiane. Et donc, le fait de dire Zayd, ça n'a pas une signification. Donc, pour eux, quand ils disent les noms d'Allah, pour eux, c'est juste différents noms qui ont la même signification. Pour eux, il n'y a pas. C'est pas de dire que, par exemple, chaque nom d'Allah a une signification qui a un sens et qui implique une attribut. Eux, non. Ils disent que ce sont soit des noms propres qui n'ont pas de différence l'un avec l'autre. Ça, c'est une des approches. Ou bien l'autre approche, c'est, ils disent, par exemple, ما شاء الله من يقول منهم ان كل علم كل علم منها مستقل فالله يسمى عليما وقديرا وليست هذه الاسماء مترادفه ولكن ليس معنى ذلك ان هناك حياه او قدره ولذلك يقولون عليم بلا علم وقدير بلا قدره وسميع بلا سمع ومن جعل الأسماء كالأعلام المحضة المترادفة. C'est ça. Là, c'est ça. Il y a deux approches. La première approche, c'est de dire tous les noms sont synonymes. Tous les noms d'Allah sont synonymes. Ils veulent tous dire la même chose, même s'ils sont tous différents. Et l'autre groupe, c'est de dire non, ils sont pas synonymes, mais c'est comme s'ils les affirment comme voulant tous dire tous des choses différentes, mais en fait ils disent par exemple quand ils disent qu'Allah est sami', mais c'est-à-dire qu'Allah est celui qui entend tout, mais il entend tout, mais il n'a pas de vue. Il voit tout, mais il n'a pas de vision. Il fait tout, mais il n'a pas de savoir. Ils affirment le nom sans, comme s'il n'a pas de signification. C'est une autre façon qu'ils utilisent pour essayer de nier les attributs d'Allah. Tandis que As-Salaf, il y a les Sahaba, les Tabi'in, eux, ils croyaient en tous les noms et tous les attributs qui avaient été révélés dans le livre d'Allah et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les salafs, parmi les premiers, les ulama des premières générations qui ont écrit des livres sur ce sujet, ok, pour clarifier l'égarement de ces gens-là, bien avant, j'ai marqué bien avant Abu al-Hasan al-Ash'ari, parce que la secte des Ash'ara, on n'en a pas encore parlé, mais on va en parler plus tard, c'est des gens qui croient qu'ils sont venus pour réfuter les Mu'tazila. Ils croient qu'ils sont venus pour réfuter les idées des Mu'tazila. Alors que, en réalité, ils ont réfuté les Mu'tazila dans certains points, mais d'une autre façon, ils ont affirmé exactement la même chose que les Mu'tazila, d'une façon indirecte. C'est pour ça qu'on dit que c'est des gens en fait qui n'ont pas vraiment réfuté réellement les Mu'tazila. Et que même bien avant Abu al-Hasan al-Ash'ari, il y avait des ulama qui ont récité. Parmi les livres qui ont été écrits, il y a le livre qui s'appelle As-Sunnah par l'imam Muhammad al-Waqidi. Et là, j'en ai mentionné 56 titres de livres. Bien entendu, je ne vais pas les mentionner tous. Mais en plus, il y a le nom de l'auteur, le titre du livre et la date du décès de la personne qui l'a écrit. Donc, c'est-à-dire qu'on peut voir que c'était depuis les premiers siècles que les savants de l'islam ont commencé à réfuter ces idées-là. D'accord? Donc, il y a par exemple le cheikh dans le livre, cheikh Al-Fawzan dans le livre, il en a mentionné peut-être 1, 2, 3, 4, 5, il a mentionné 5 seulement pour faire l'affaire plus court. Parce qu'il ne peut pas mentionner tout. Mais moi, j'en ai mentionné dans un autre livre que j'ai trouvé à la maison. Il en a mentionné 56. Et ça ne fait pas tout. Il y en a beaucoup plus que ça. Mais c'est encore là pour juste faire un résumé. Et tous les auteurs de ces livres sont des imams de l'islam. Sont parmi les plus grands savants de l'islam. Par exemple, l'imam Al-Waqidi. L'imam Abu Ubayd, Al-Qatim ibn Sallam, ça c'est un des imams, je pense que c'était un des chouyoukhs de l'imam al-Bukhari, parmi les professeurs de l'imam al-Bukhari. Le livre numéro 2 là, Abu Ubayd, Al-Qatim ibn Sallam. Le troisième, Al-Raddu al-Jahmiya, par le Cheikh de l'imam al-Bukhari, un autre de Shuyukh de l'imam al-Bukhari, Nu'aym ibn Hamad al-Khuza'i, qui est mort en 229, As-Sifat wa Raddu al-Jahmiya, par un autre des professeurs de al-Bukhari, qui est l'imam Abdullah ibn Muhammad al-Ju'fi, un autre c'était As-Sunnah, par l'imam ibn Abi Shayba, celui qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Musanna. الرد على الجهمية فعل الإمام عبد العزيز الكناني نوت ليه وصيفة الكناني كتابة الحيدة في الرد على الجهمية نوت ليه الرد على الزنادقة والجهمية فعل الإمام أحمد بن حنبل الإمام إيه son fils الإمام الكريان وفال وقت نوت ليه ده الإمام أحمد في السنة ou bien Usul al-Sunnah. Un autre livre de l'imam Ahmed aussi, Ar-Raddu ala al-Jahmiya, il l'a dit tout à l'heure, et il y a aussi le même titre par l'imam Muhammad ibn Aslam al-Tusi. Un autre livre, Al-Istiqama fi al-Raddi ala ahli al-Bid'a, l'imam Al-Khushish ابن أسرم النسائي الإمام النسائي الأخر الرد على الجهمية par الإمام البخاري الإمام البخاري a écrit un livre qui s'appelle الرد على الجهمية. Et si vous lisez par exemple dans Sahih al-Bukhari, vous allez voir que le dernier livre dans Sahih al-Bukhari, ça s'appelle Kitab al-Tawhid. Et Kitab al-Tawhid, c'est un livre dans lequel l'imam, il mentionne tous les hadiths qui affirment les attributs d'Allah. Et il a rapporté ces hadiths-là à la fin de son livre pour réciter les gens du Bédah. Parce que la technique de ces ulama, quand ils veulent réciter aux gens du Bédah, c'est pas de créer une thèse de philosophie pour réciter ces gens-là, mais c'est de mentionner tous les hadiths et les versets du Coran qui affirment les attributs que ces gens-là essaient de dire. Et donc, quand on lit ces livres-là, c'est des livres dans lesquels on peut voir les chaînes des narrateurs et les rapports de chaque hadith qui se rapporte à la tribu en question. Donc, ils vont dire par exemple les preuves que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de son trône, et là ils vont mentionner les ayats dans le Coran, et là ils vont mentionner après les hadiths, tous les hadiths qui prouvent ces choses-là. Et après ils vont mentionner les athar, c'est-à-dire les paroles des sahaba, qui prouvent ces choses-là. Et après ils vont mentionner peut-être même des paroles des grands imams qui étaient là avant leur époque. Tout ça, c'était leur manière d'affirmer. Et parfois même, ils vont réciter en citant des exemples. Il y a des moyens de prendre en compte les gens qui ont hadith et de retenir les gens. Non. Il y a des moyens, bien entendu. Les ulama, il y a une science qu'on appelle Mustalah al-Hadith. Et ça, c'est la science que les ulama ont établi pour arriver à savoir l'authenticité des rapports des hadiths. Et cette science-là, cette science elle est basée sur l'étude de la chaîne des narrateurs, parce que chaque hadith est rapporté avec sa chaîne, d'accord. Et la chaîne des narrateurs fait partie de la religion dans l'islam. C'est une des choses que Allah a révélé, a donné à cette umma, pour préserver la religion. Et celle-là n'existe dans aucune autre religion que dans l'islam. C'est-à-dire, si vous allez lire les livres des chrétiens et des juifs, il n'y a aucune chaîne de narrateurs, aucun rapport d'authenticité, aucun moyen de vérifier même l'authenticité de ce qui est écrit dans leur livre. Parce qu'on ne sait même pas qui l'a rapporté. Tandis que pour nous, alhamdoulilah, Allah il a préservé notre religion, il a fait qu'on est capable de vérifier par qui on a eu une information par cette chaîne de narrateurs. Et ça a été utilisé durant même l'époque des Sahaba, dans les premières époques de l'islam. Donc, hadith, c'est les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord. Et aussi, ça peut être tout ce qui contient une information à propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme on a expliqué, mais pour en ce qui concerne l'authenticité du hadith, on pourra en reparler, parce que c'est un sujet qui est vaste, mais juste pour faire une clarification là-dessus, il y a des livres qu'on appelle Kutub al-Rijal. Et c'est des livres qui contiennent les biographies de tous les savants qui ont une narration d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette biographie, on retrouve les noms de ces personnages-là, leur date de naissance, leur date de décès, qui ont été leurs professeurs, qui ont été leurs élèves, et qu'est-ce que les savants de l'islam ont dit à leur sujet. Donc si par exemple un de ces personnes-là avait une mauvaise mémoire, ou si parmi eux il y en avait qui avaient une innovation ou une mauvaise croyance, eh bien les savants l'ont mentionné. Et ils disaient par exemple « Fulan Thiqa ». Alors ils vont dire « telle personne il est fiable ». et il est, on peut se référer à ces citations. Yani, ouais, ils avaient des critères parfois. Certains parmi les ulama du hadith, yani, ils avaient des critères très très très stricts pour essayer de limiter ou expliquer qui, de qui on peut prendre le hadith ou de qui on ne peut pas le prendre. Donc, par exemple, il y en a certains d'entre eux, s'ils voyaient quelqu'un, par exemple, dans la rue qui marchait sans quelque chose sur sa tête, un chapeau ou quelque chose, alors automatiquement, ils allaient dire, Jésus, ce gars-là qui marchait dans la rue, il n'avait pas un chapeau, c'est un sorte de manque de respect, c'était pas bien vu, alors ils le mettaient sur la liste de ceux de qui on ne peut plus accepter une récitation, une citation. Ah oui, ça n'a rien à voir, vous dites ça, là. C'est fini, ça c'est clair. Allez, subhanallah. Apprenez à cette monsieur qui se recule un peu, ouais, ça n'a rien. Oui. Donc, après, il y a beaucoup d'autres, comme par exemple, As-Sunnah wa Raddu ala al-Jahmiyyah par l'imam Al-Akram. Un des amis de l'imam Ahmad, Al-Sunnah, ou Aqidatu, l'imam Ahmad ibn Hanbal par Al-Muzani, qui est compagnon de l'imam Al-Shafi'i, Al-Sunnah par l'imam Hanbal ibn Ishaq, Al-Sunnah par Abu Dawud Al-Sajistani, Al-Raddu ala al-Jahmiyyah de l'imam Othman ibn Saïd Al-Darimi. Al-Darimi, il a écrit un livre, c'est dans ce livre-là, dans lequel il répond à Bishr al-Murisi. Et Bishr al-Murisi, c'est un des personnes qui a propagé beaucoup cette aqidah, cette jahmiya. Donc, il a fait beaucoup de fitnah. Et c'est pour cette raison-là que l'imam al-Darimi a écrit ce livre pour lui répondre. L'imam ibn Qutayba, il a écrit « Al-Ikhtilaf, c'est l'afdi wa raddu ala al-jahmiya » As-Sunnah, Al-Karmani, et un autre livre. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits avec le titre As-Sunnah. Et As-Sunnah, c'est utilisé par ces A'imma pour représenter yani, la position des gens de la Sunnah. Yani, et là, dans les gens de Al-Qur'an, et l'Aqidah, yani, la croyance des gens de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Donc, ils se référaient à l'Aqidah par le mot As-Sunnah. Hein? C'est-à-dire, parce que As-Sunnah, en fait, c'est ce qui fait la distinction entre la bid'a, entre ceux qui suivent la voie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui se sont déviés de la voie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la bonne croyance. Il y en a un autre imam qui a écrit un livre sur l'aqidah, il a appelé Al-Sharia, et d'autres Al-Tawhid, comme l'imam Ibn Khuzayma. Il y en a beaucoup d'autres, yani. Non, les actions, les paroles et les silences du Prophète, les choses qu'il a approuvées durant son existence, ça fait partie de sa sunna. Et donc, j'ai dit, ces livres ne sont que des exemples, ils furent tous écrits pour réciter les gens de Bid'a qui niaient les noms et les attributs d'Allah et Al-Qadar. Et ces savants étaient connus comme représentants Ahl al-Sunna wal-Jama'a bien avant l'arrivée de Al-Ash'ari wal-Maturidi. Parce qu'il y a certains des gens qui croient que yani, ceux qui sont apparus, les premiers qui ont défendu Ahl-Sunnah al-Jama'a, qui ont établi Ahl-Sunnah al-Jama'a, c'était Abu al-Hasan al-Ash'ari. Donc, par exemple, aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays, si tu demandes aux gens c'est qui sont Ahl-Sunnah al-Jama'a, ils vont te dire que ce sont Al-Ash'ari ou Al-Maturidi. Et ils excluent donc, ça c'était pour expliquer qu'en réalité, bien avant Abu al-Hasan al-Ash'ari, il y avait des gens qui récitaient Al-Mu'tazila et Al-Jahmiya. Et donc, après, on arrive et on dit, ils ont tous affirmé, c'est-à-dire les imams de ceux qui ont écrit ces livres, ils ont tous affirmé les attributs sans dire quelqu'un, sans demander comment sont les attributs d'Allah. Mais sans faire al-ta'til, sans nier le sens ou la lettre des attributs, et sans faire al-tahrif, c'est-à-dire sans changer le sens réel de mot, et sans tamthil, c'est-à-dire sans faire ressembler Allah à ses créatures. Donc, Abu al-Hassan al-Ash'ari, il y a une petite biographie ici là, une petite description de qui il était et en quelle année il est né et qu'est-ce qu'il a fait durant sa vie. Abu al-Hassan al-Ash'ari est né en l'an 260 ou 270 selon certains. Il a passé 40 ans de sa vie dans la bid'a et dans la négation des attributs d'Allah parmi la secte des Mu'tazila. Son cheikh al-Jaba'i, qui était le mari de sa mère, était une des grosses têtes des Mu'tazila, c'est-à-dire il était un des plus grands shuyukh de son époque parmi les shuyukh des Mu'tazila, le plus important. Et donc, Abu al-Hassan al-Ash'ari, pendant 40 ans de sa vie, il a étudié sous ce cheikh, et il a cru en cette croyance-là. À l'âge de 40 ans, il réalisa que plusieurs questions n'étaient pas claires pour lui. Il quitta donc la secte de Mu'tazila pour suivre la voie de Abu Muhammad Abdullah ibn Kullab, qui est mort en 241. Et ça, Abdullah ibn Kullab, c'était un des premiers théologiens de ce qu'on appelle Ahlul Kalam. Et Ahlul Kalam, qu'est-ce que ça signifie, Al-Kalam? Ça signifie des gens qui ont inventé une méthode pour parler de la foi ou de la croyance, en se basant sur la philosophie ou sur des arguments rationnels et en mettant de côté les textes, c'est-à-dire sans se référer au Coran et à la Sunna. Donc, Mohammed ibn Kullab, c'était yani, un de ces premiers théologiens-là de Ahlul Kalam et un des premiers théologiens de Kalam, et qui était nommé Al-Kullab, on l'avait surnommé Al-Kullab parce qu'il avait, il était fort pour réfuter les arguments de Mu'tazila. D'accord? Donc, les gens de l'époque de Ibn Kullab étaient divisés en deux catégories. Il y avait Ahl Sunnah wal Jama'a, ceux qui affirmaient tous les noms et les attributs d'Allah, comme les noms des certains imams qu'on a mentionnés parmi les auteurs des livres qu'on a mentionnés, ils font partie, eux, de ces imams, d'Ahl Sunnah wal Jama'a, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa, eux, ils faisaient partie de ces imams-là, parmi ceux qu'on a mentionnés, et tous les autres, eux, ils représentaient Ahl Sunnah wal Jama'a, et c'était ceux qui, et qui affirmaient tous les noms et tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'un autre côté, il y avait Al-Jahmiyyah. Et Al-Jahmiyyah étaient ceux qui niaient tous les noms et les attributs d'Allah à l'infini. Donc, Ibn Kullab est arrivé et il attribuait des attributs à Allah qui concernent son être. Par contre, il rejetait les attributs qui concernent sa volonté. C'est-à-dire, il y a des attributs comme par exemple Al-Hayat, Wal-Ilm, Wal-Basar, c'est-à-dire la vue, la connaissance. Ça, c'est des attributs qui font partie de l'être, c'est-à-dire ça fait partie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis qu'il y a certains autres attributs qui ont rapport avec sa volonté. Il les fait quand il veut. D'accord? Et ça, c'est comme Al-Kalam, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il veut. C'est pas que, par exemple, il parle à l'infini, comme tout le temps, sans arrêt. Mais il parle quand il veut parler. Et quand il veut pas parler, il parle pas. Et Al-Istiwa, quand il a voulu s'élever au-dessus de son trône, il s'est élevé au-dessus de son trône. C'est pour ça qu'il a dit « Thumma stawa ala al-arsh ». Et ensuite, il s'éleva au-delà de son trône. Donc ça, c'est des attributs qui ont rapport avec la volonté. Et eux, Al-Kullab, Al-Kullabiyya, Ibn Kullab, ils n'affirmaient pas ces attributs-là. Ils se limitaient seulement à attribuer certains attributs comme Al-Ilm, Al-Basar, Al-Haya, des attributs de ce genre qui ont rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son être. Donc, Et Al-Ash'ari, il adopta cette aqida, car il n'en connaissait pas d'autres. Et toute sa vie, il a grandi dans l'i'tizal. Donc, il ne connaît pas d'autres aqida, mais il a entendu parler de celle-là. Et donc, il a vu qu'il affirmait sur ses attributs. Alors, il a dit, ça doit être une aqida qui est quand même meilleure que l'i'tizal. Donc, il l'a suivi. Oui, il n'était pas tellement familier avec la sunna et les hadiths et les paroles des salaf parmi les sahaba et les tabi'in et les autres savants ainsi que les tafsirs des salaf sur ce sujet. Car les Mu'tazila ne donnent aucune importance à la sunna, ils donnent uniquement précédence à la raison. Donc ça c'est un fait, yani, subhanallah, ils considèrent que la sunna c'est pas une référence dans les questions de aqidati, ce sont des rapports, par exemple, ils font une distinction entre al-khabar, al-ahad, ou al-mutawatir. Les rapports qui ont été rapportés par un petit nombre, et les rapports qui ont été rapportés par des grands nombres de sahaba, eux, ils font une distinction à ce sujet-là, et ils disent, nous, les rapports qui ont été rapportés par des petits nombres, on les accepte pas dans les questions de croyance. D'accord, une fois, ils les appliquent pas, ils ne les croient pas. Et ils acceptent seulement ce qu'ils appellent mutawatir. Yani, tandis que la position de Ahlus Sunnah al-Jama'a là-dessus, c'est que on accepte tous les hadiths qui sont authentiques. Qu'ils soient ahad ou mutawatir. Yani, ça c'est, la base c'est qu'ils soient authentiques. Et s'ils sont authentiques, on les accepte et on les croit et on les utilise. Yani, parmi les choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont hésité à faire traduire les écrits des Grecs en arabe. Ça, c'était durant l'époque de Al-Ma'mun, un des khulafa de, Al-Abbasiyya. Ouais. Et lui, il a ouvert un centre qu'il a appelé Dar al-Hikma. Et dans ce centre, yani, il incitait les gens à venir pour traduire les textes des Grecs et des philosophes de d'autres cultures aussi, comme par exemple les philosophes de l'Inde, les philosophes des Grecs et de différentes cultures, et il essayait d'extraire de ces textes-là des sagesses, des opinions, yani. Et le problème, c'est qu'ils ont été interprétés le Coran par rapport à ces philosophies, en se basant sur ces philosophies-là. Et c'était de là que vient le danger, c'est de là qu'est venu le danger, yani, de l'égarement à cause de ces gens-là. Donc, c'est ça. Donc, on dit qu'ils n'attribuaient que sept attributs en leur donnant une signification différente de celle de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ces sept attributs-là, il y a al-ilm, al-hayat, al-basar, al-sam', الإرادة الكلام والفتيام القدرة donc ça c'est les sept attributs qu'ils ont affirmés et tous les autres ils les interprètent d'une autre façon ou ils essaient de les affirmer d'une façon symbolique seulement sans dire qu'elle a un sens réel. Par exemple al-mahabba ou al-rida, ils vont dire ça signifie la volonté. Ils essaient de ramener tous les autres attributs et la ramener à l'irada ou la volonté dans le sens, à la ou d'autres choses de cette irada. Et les sujets, en tout cas, je ne pense pas en ce sujet, hein. Sinon je vais m'écarter là, je ne vais pas m'écarter trop. Donc, cette période est représentée par le fait, cette période est représentée par le fait qu'il incitait les gens à lire le livre Al-Numa' الرد على أهل الزيغ والبدع après qu'il ait fait connaître qu'il avait quitté les Mu'tazila. Donc un des signes qu'il avait suivi cette voie de Ibn Kulab, c'est qu'il incitait les gens à lire ce livre. Par la suite, il quitta la voie de Al-Kulabiyya. Il a quitté la voie de Al-Kulabiyya et il a pris la voie des Salaf, qui consiste à affirmer les noms et les attributs d'Allah sans déformer le sens des mots arabes, sans faire ressembler Allah à sa créature, Et parmi les livres qui reflètent ce changement, on compte Al-Ibana, qui ouvre les Diyana. Ça, c'était un des livres qu'il a écrit pour exprimer qu'il était revenu à la voie de l'imam Ahmad ibn Hanbal. C'est-à-dire qu'il avait quitté la voie de Ibn Kulab et qu'il était revenu à la Sunna. Et un autre livre qu'il a écrit aussi, qui était Maqalat al-Islamiyyin. Ça, c'est aussi un autre de ses livres qui exprime qu'il affirmait les attributs d'Allah ta'ala comme Al-Istiwa, Wal-Yad, Wal-Ayn, Wal-Qut'a, les autres attributs avec eux, ces gens-là, comme par exemple le fait qu'Allah ta'ala a des yeux, une main, des mains et qu'il parle et qu'il est au-delà de son trône d'une manière qui lui convient et sans le faire ressembler à quoi que ce soit de ses créatures. Il a deux mains. Il a deux mains, oui. Bal yadahu mabsoutatan. Bal yadahu mabsoutatan. Les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont grandes ouvertes. Et yunfiqu kayfa yasha, il donne à qui il veut sa subsistance. Et donc, dans ce verset, dans le Coran, Allah a affirmé qu'il avait deux mains. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il a deux mains et ses deux mains sont droites. Bon, c'est ça. Qu'il t'a dit, Yamin. Et bien entendu, quand on affirme ça, on ne doit pas essayer d'imaginer comment doit être les mains d'Allah. On ne doit pas essayer de demander non plus comment elles doivent être. Parce que si on rentre dans ça, on va tomber dans l'erreur de faire ressembler Allah à sa créature. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, laysa kamithlihi shay'un. Il n'y a rien qui lui ressemble. D'accord? Donc, il faut faire attention à tomber dans cette erreur. Donc, ensuite, il y a un autre aussi à qui on attribue d'être un représentant de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est Al-Maturidiyya. Et Al-Maturidiyya, ça se retrouve surtout chez les Ahnaf, les gens qui suivent Al-Madhab al-Hanafi, ou bien les gens qui sont dans le coin de le Pakistan et l'Inde et la Turquie ou certains de ces endroits-là. Et eux, ils suivent Al-Maturidiyya. Il n'y a pas grande différence dans les croyances entre Al-Maturidiyya et Abu al-Hasan al-Ash'ari. C'est pratiquement presque la même chose. Mais il y a certaines petites différences entre les deux. Mais le chef, il va faire l'Azan. Donc on va s'arrêter puis on continuera, Inch'Allah, après. Donc on va continuer. Ok. Donc en ce qui concerne Al-Maturidiyya, Abu Mansour Al-Maturidi, il est mort en 333. Il n'est pas très connu parce que il n'est pas très connu par rapport à Abu al-Hassan, mais il avait la même croyance sauf sur quelques points. Il y a on connaît peu de choses sur la vie de ce personnage. Il n'y a pas eu beaucoup de rapports. Il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont rapporté sur lui, sur sa vie, sur qui il était. Sauf que on a connaissance que cette personne-là a existé à cette époque-là, puis qu'il exprimait cette aqidah par les gens qui l'ont suivi. Après, j'ai dit, les Asha'ira et les Maturidiyya font partie de Ahl al-Kalam. Et comme j'ai expliqué, Ahl al-Kalam représente une méthode d'argumentation fondée sur des raisonnements philosophiques et rationnels auxquels on donne une apparence islamique. Il ne représente pas Ahl al-Sunnah ou al-Jama'a. Ahl al-Sunnah ou al-Jama'a existaient avant Abu al-Hasan al-Ash'ari et al-Maturidiyya. Qui récitait les Mu'taziya et al-Zahmiya avant al-Ash'ari? Tous les ulama de Ahl al-Hadith. Ahl al-Hadith, c'est un autre terme qu'on utilise pour qualifier les gens qui suivaient la voie du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Sunnah, et pour les distinguer des gens de Bid'a. Donc quand on dit Ahl al-Hadith, c'est un synonyme pour dire Ahl al-Sunnah al-Jama'a. Donc c'était Ahl al-Hadith. C'est pourquoi les savants, bien avant Ibn Taymiyyah et Muhammad ibn Abdul Wahhab, récitaient Al-Ash'ara. Parce que comme les Jahmiyyah, les Mu'tazila, ils utilisent Ilm al-Kalam et Al-Jidal et ils nient les attributs d'Allah en changeant le sens des mots arabes. Donc, pourquoi mentionner ça ici? Parce que il y a certaines personnes qui s'imaginent que, ces idées, ces explications que les ulama ont données, c'est-à-dire de réciter ceux qui nient les attributs d'Allah, ils croient que ça c'est une bid'a qui est arrivée ou que c'est une chose qui a été inventée par Ibn Taymiyyah ou par Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et que avant Ibn Taymiyyah, il n'y avait pas de savants qui récitaient Al-Ash'ira. Et ça c'est tout à fait faux. Il y a beaucoup de preuves. Juste dans les noms des livres qu'on a mentionnés plus tôt, on voit qu'eux-mêmes, ils récitaient Al-Ash'ara avant même que Al-Ash'ara existait, parce qu'ils ont récité les Shubuhat, les Jahmiya et les Mu'tazila. Et aussi, même après Abu al-Hasan al-Ash'ari, il y a beaucoup d'ulama qui avertissaient les gens contre la voix de Ibn Kulab, celui que la voix qui a représenté la voix intermédiaire, c'est-à-dire la période de Abu al-Hasan al-Ash'ari, pendant le temps qu'il était, avant qu'il ait fait Tawbah, ou avant qu'il soit revenu à la aqidah de l'Imam Ahmad, entre la période de l'Irtizal et la période qui a suivi la Sunna, il y a cette période intermédiaire qui était celle de Al-Kulabiyya, et beaucoup de gens d'aujourd'hui qui prétendent suivre Abu al-Hasan al-Ash'ari suivent en réalité Al-Kulabiyya en attribuant cette aqidah à Abu al-Hasan al-Ash'ari, sans savoir que Abu al-Hasan al-Ash'ari avait rejeté cette aqidah à la fin de sa vie et qu'il était revenu à la croyance de Ahl al-Sunnah al-Jama'a. Donc, Ibn Taymiyyah n'était pas le premier, et pour prouver ça, même j'ai mentionné des exemples, comme par exemple Abu Omar ibn Abdul Barr, qui est mort en 463, il dit dans son livre Jami'u Bayan al-Ilm wa Fadli, il rapporte les paroles de l'imam Muhammad ibn Khuwayd min Dad al-Maliki, qui est mort en 390, dans son livre Kitab al-Shahadat. Ah, il arrive. Donc, ok, on va arrêter ici et on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك